actuelle dont l'influence est de plus en plus grande sur notre existence. Voici réalisé par Paul Castan, l'émission de Paul Sarret, Actualité. Le progrès et la vie. Rendez-vous à 5h. Les années 60, une émission de Philippe Garbi et Annie Douelle. Aujourd'hui, 1969, deuxième émission. Nous avons terminé la première émission consacrée à l'année 1969 par une sorte de tour de table des régions agricoles, mettant en lumière le problème de l'exil rural. En Creuse, il était même question d'un impôt frappant, je cite, les jeunes filles de 18 à 75 ans. Voici quelques autres échos d'un dimanche à la campagne, diffusé sur France Inter le 9 février 1969. Alors, moi je me demande, et je leur pose la question, mesdemoiselles qui êtes au bout de ce multiplex, si le garçon que l'on vous proposait, le garçon de la campagne, en valait la peine entre nous, s'il était vraiment beau garçon et si vous l'aimiez de tout votre cœur. Bien sûr, quand même, l'amour, c'est tout ce qu'il y a d'important. Ah, voici un élément réconfortant. Oui, d'ailleurs. Roger Labit, j'ai un témoignage alors absolument formel, puisque autour de cette table, autour de ce micro, j'ai une personne de la ville qui a épousé un homme de la terre. Oui. Il s'agit de Madame Bélanger qui demeure à Vernoux. Oui. Pourriez-vous nous expliquer le motif? Moi, je suis née donc en ville et c'est l'amour des vaches qui m'a fait aimer la campagne. Et combien vous avez d'hectares et de vaches? Moi, j'ai 28 bêtes. 28 mais bêtes. J'avoue qu'il faut aimer énormément ce métier pour faire le sacrifice des vacances, des dimanches matins et de tous les matins rester au lit, c'est pas possible. Vous êtes un exemple réconfortant, mais je suppose tout de même que on vous a présenté votre mari avant de vous présenter son troupeau. Ah non, monsieur. Non, vous avez été séduit par... Non, j'étais célibataire très longtemps, justement parce que je ne trouvais pas de mari ayant mes goûts. J'ai même divorcé. C'était un médecin. Alors, vous voyez, médecin et les vaches, j'aurais mieux fait d'épouser un vétérinaire. Mais je me demande aussi s'il n'y a pas une raison physique. C'est-à-dire, est-ce que les garçons célibataires, puisqu'il y a une grosse concurrence, se soignent physiquement suffisamment pour attirer, car il y a quand même une affaire d'attirance dans l'amour, pour soigner leur aspect extérieur, pour faire leur cours, en quelque sorte. En d'autres mots, est-ce qu'ils sont compétitifs? Nous allons, mesdemoiselles, vous poser la question. D'abord, le Pays Basque. Oui, bien sûr, les filles nous reprochent bien souvent que les paysans font trop paysans. Elles ne veulent pas se marier avec quelqu'un qui fasse paysan. C'est normal, je crois. Elle préfère un garçon qui est peut-être agriculteur, mais qui quand même a une certaine formation de base. Un garçon qui essaye d'acquérir une formation générale sur tous les plans. Ouais, je pense que le côté moral, éducation, est bien plus important que le côté physique, pour moi. Hein. Il est vrai que souvent encore au Pays Basque, on trouve des garçons qui ne savent pas très bien s'arranger. C'est peut-être... Mais ils ont beaucoup de classe, beaucoup d'allure quand ils jouent à la pelote. Ça, je peux voilà, Evelyne Raymond, vous avez été séduite par le côté sportif du rural basque. Bien, moi, je crois également qu'on s'attache beaucoup à la question vestimentaire, mais aussi, surtout, au courage de l'homme. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, Lisiane et Eh bien, je crois qu'on peut même associer les deux. Mais par exemple, ici, autour de cette table, vous avez un célibataire de 36 ans, hein, c'est-à-dire Monsieur Pierre... Qui ne fait pas du tout paysan. Jacquelin, Monsieur Jacquelin. Pas du tout. Au contraire. Il est un véritable villageois, il a un costume coupé, impeccable, une cravate formidable. Il doit être très rouge à l'heure actuelle. Non, pas du tout. Parce qu'il est modeste. Modeste et compétitif, nous allons demander à Michel Denisot si son interlocuteur aussi s'estime, lui, de nature à affronter la comparaison avec les garçons des villes. Non, vous savez, à la campagne en général, on va négliger. Quand on travaille toute la journée dans les champs où on ne voit pas toujours du monde, alors on se laisse un peu aller quelquefois. Et quand vous sortez? Mais quand nous sortons, on se met comme tout le monde. Vous n'êtes pas gêné dans le monde? Oh non, non. Voyez, et lorsque vous sortez, est-ce que vous préférez les filles des villes ou les filles de la campagne? Bon, vous savez, à mon âge maintenant, je suis tout à fait vieux célibataire. On laisse un peu de côté maintenant cette question-là. Il n'y a pas trop de concurrence entre les garçons des villes et les garçons des campagnes à ce moment-là? C'est sûr, il y a un peu de concurrence pendant l'été, au mois de juillet et août, parce que les demoiselles basquaises ont un certain penchant, une certaine préférence pour les estivants qui viennent de la ville. Ah, voilà, voilà où arrive la concurrence. Il n'y a pas que l'été chez nous en Touraine. Et tous les dimanches, vous savez, il y a beaucoup de samedis et dimanches, il y a des bals dans les petits villages de Touraine. Et on installe le parquet, comme on dit. Eh bien, je vous assure que le dimanche soir, il y a quantité de voitures, des dragueurs qui viennent. Et d'ailleurs, les filles préfèrent de beaucoup aller danser avec un garçon qui en fiche un peu plein la vue, plutôt que danser avec un garçon qu'elles connaissent souvent. Elles préfèrent aller carrément danser avec un garçon qu'elles ne connaissent pas. Et puis... Ah, voilà les filles d'accusation, alors nous allons leur demander de riposter. Mademoiselle Marguerite Ticoïpé réagit, elle n'est pas du tout d'accord. Elle n'est pas d'accord, mademoiselle. Non, non, je ne crois pas qu'on parte avec n'importe quel estivant parce qu'il est beau par là. Personnellement, je préfère encore rester avec mes charmants agriculteurs gentils. Tant qu'à mettre de l'ambiance, je préfère encore le faire avec nos basques. Eh bien, Pierre Deschamps, le sourire. Hein. Oui, d'accord, un défi comme ça, vous savez, on n'en rencontre pas beaucoup chez nous, hein. Banlieues en développement, campagnes se dépeuplant, décentralisation, régionalisation. La régionalisation, accolée à la réforme du Sénat, elle est au cœur du référendum d'avril 1969 proposé par le président de la République. Deux jours avant le scrutin, le général de Gaulle fait là sa dernière intervention publique, extrait de l'allocution. Veuillez écouter une allocution du président de la République. Françaises, Français, vous, à qui si souvent j'ai parlé pour la France, sachez que votre réponse dimanche va engager son destin. Parce que d'abord, il s'agit d'apporter à la structure de notre pays un changement très considérable. C'est beaucoup de faire renaître nos anciennes provinces, aménagées à la moderne, sous la forme de régions, de leur donner les moyens nécessaires pour que chacune règle ses propres affaires tout en jouant son rôle à elle dans notre ensemble national, d'en faire des centres où l'initiative, l'activité, la vie s'épanouissent sur place. C'est beaucoup de réunir le Sénat et le Conseil économique et social en une seule assemblée, délibérant par priorité et publiquement de tous les projets de loi, au lieu d'être chacun de son côté, réduit à des interventions obscures et accessoires. C'est beaucoup d'associer la représentation des activités productrices et des forces vives de notre peuple à toutes les mesures locales et législatives concernant son existence et son développement. Votre réponse va engager le destin de la France parce que si je suis désavoué par une majorité d'entre vous, solennellement, sur ce sujet capital, et quel que puisse être le nombre, l'ardeur de l'armée de ceux qui me soutiennent et qui, de toute façon, détiennent l'avenir de la patrie. Ma tâche actuelle de chef de l'État deviendra évidemment impossible et je cesserai aussitôt d'exercer mes fonctions. ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents. Avec mes yeux tout délavés, qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs qui ont pillé tant de jardins. Avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé, mordu, sans jamais assouvir sa faim. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, de voleur et de vagabond. Avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés et tous ceux qui portaient jupons. Avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert sans pour cela faire d'histoire. Avec mon âme qui n'a plus la moindre chance de salut pour éviter le purgatoire. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec et mes cheveux aux quatre vents. Je viendrai ma douce captive, mon âme sœur, ma source vive, je viendrai boire tes 20 ans. Et je serai prince de sang rêveur ou bien adolescent, comme il te plaira de choisir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir. Au cinéma, le public applaudit quand les méchants sont punis. Dans Z, ils le sont, provisoirement, et ce film, en compétition au Festival de Cannes 1969, est au menu de Cinéma Vérité le 17 mai. Quatrième volet de la sélection française à Cannes, le film de Constantin Costa-Gavras, Z. Tout le monde sait maintenant que l'histoire racontée dans ce film est vraie, que ces événements se sont passés en Grèce où, en 1963, le docteur Lambrakis, professeur à la faculté de médecine d'Athènes et député, fut victime d'un crime politique. Le crime politique est les tentatives de corruption de la justice exercées par un pouvoir autoritaire. Tels sont les véritables sujets de Z. Ainsi, vous vous disposez à inculper le chef de la police et le général de la gendarmerie. Cela me semble inévitable, monsieur. Les seuls événements inévitables, mon cher, sont ceux qui dépendent de la volonté divine. Le faisceau de preuves est accablant, monsieur le procureur général. Des preuves ? Des racontards, des willies. Derrière chacune de ces soi-disant preuves se cachent les intrigues de ces gens qui se nomment des pacifistes. Et qui ont trouvé là le moyen de s'offrir un héros. Cela est certain, monsieur le procureur général. Mais la complicité de la police avec les manifestants et les coupables est maintenant établie. Ces deux hommes cerclés de rouge sont des policiers en civil. Ils ont participé à la manifestation, ils ont même avoué. Il est également établi que le chef de la police a rencontré le jour même des événements Iago, ainsi que d'autres manifestants. Le général m'a déclaré lui-même qu'il ne connaissait pas l'homme qui a conduit la victime à l'hôpital. Or, j'ai découvert que cet homme est précisément le chauffeur personnel du général. Je passe sur la passivité de la police pendant la manifestation. Viennent ensuite la manipulation des témoins et l'intimidation ouverte. Vago est mis au secret à l'hôpital pour une maladie de cœur avec un certificat du médecin de la police. On le découvre en train de rôder près de la chambre d'un témoin capital. Il portait une canne gourdin. Puis vient l'affaire de l'arme du crime, la matraque que Iago portait pendant la manifestation et que plusieurs témoins ont vue. Cette matraque disparaît au moment où Iago est pris par la police. Confronté, le gardien a fini par avouer qu'il a dû refaire son rapport. Il ne faut pas que tu mentionnes la matraque dans ton rapport. Mais c'est déjà fait, monsieur. Je suis l'inspecteur général de la gendarmerie. Repos. Tu n'as pas besoin de te justifier. Tu as fait ton devoir. Il y a combien de temps que tu es dans le service ? 6 ans. C'est simple. Tu vas refaire ton rapport. Ah, monsieur le procureur. C'est à ce moment-là que vous êtes arrivé, monsieur le procureur. Le gardien n'a pas pu mentir, bien au contraire. Ses aveux lui coûteront probablement très cher. Ce sont des éléments d'inculpation évidents. Mais pas suffisant pour qu'un jury condamne des officiers de police. Le jury fera son devoir, il est important que je fasse le mien. Je ne supportais pas ce déshonneur. Si vous m'inculpez, celui-ci pour moi est le suicide. Quand on est innocent, ce déshonneur est insupportable. S'il le faut, dans ce bureau même, on s'en rejaillira sur votre tête. Nom, prénom, profession. Je vais répondre. Signez votre déposition. Vous êtes officiellement inculpé pour homicide volontaire avec préméditation. Votre mandat de dépôt est prêt. La loi accorde 24 heures aux officiers supérieurs avant de les incarcérer. Si vous voulez éviter les journalistes, vous pouvez sortir par là. Vous êtes inculpé d'homicide volontaire avec préméditation. Vous êtes inculpé d'homicide volontaire avec préméditation. Il n'y a qu'une alternative. Ou je suis lavé de tout soupçon, ou je me suicide pour éviter le déshonneur. Nom, prénom, profession. C'est l'usage, monsieur le général. Qu'avez-vous fait le jour de l'assassinat? J'avais décidé d'aller au ballet du Bolchoï. Oh, pas par amour de la danse. Je n'ai pas ce genre de perversion, Dieu merci. Mais c'était une bonne occasion de repérer les sympathisants. Le matin même de l'assassinat, vous avez été prévenu que des menaces de mort ont été prononcées contre la victime. Personne ne m'a parlé de ces menaces de mort. Je persiste à croire que c'était une manœuvre, en vue de justifier les incidents ultérieurs. Mes hommes n'ont pas pu arrêter le triporteur. Mais un type a sauté sur la plateforme arrière. Comme un tigre. Souple et agile comme un tigre. Je ne connais personne de cette organisation. Et mes services n'ont jamais eu de rapport avec ces combattants, enfin ce croc. J'ai là une photo prise à l'occasion d'un banquet que vous leur avez offert. C'était pour les remercier de leur participation au service d'ordre lors d'une visite officielle. Mais il est communiste ou quoi? Pourquoi cherche-t-il à m'accorder? Son père était colonel de gendarmerie. Cette photo est truquée. De toute façon, ce n'est pas une preuve. Vous êtes inculpé d'homicide volontaire avec préméditation et abus de pouvoir. Vous croyez victime d'une erreur judiciaire comme Dreyfus? Dreyfus était coupable! Constantin Costa-Gavras est près de nous. Nous lui avons tout d'abord demandé, non sans quelque ironie, bien sûr, s'il se doutait, en tournant Z, qu'il se trouverait un jour à Cannes. Ni à Cannes, et qu'on allait avoir le succès commercial que le film a. C'est une... C'est surprise! Une très grande surprise pour tout le monde. Mais tout de même, vous aviez une grande passion, une grande foi dans ce sujet. Bien sûr, oui, un peu plus que dans les autres, parce que c'est un sujet qui est très actuel, qui me concerne personnellement même, et parce que aussi c'était une histoire vraie. Alors quand on parlait de certains événements ou de certains personnages, il y avait une référence, on savait qu'on parlait des personnages qui ont existé. Mais je crois que vous avez eu l'intention aussi de donner un côté exemplaire à votre film, ça pourrait se passer n'importe où. Cet assassinat politique est exemplaire et universel dans la mesure où a les mêmes caractéristiques qu'à peu près tous les autres assassinats politiques, c'est-à-dire implication de la police, pression sur la justice, pléthore de témoignages contradictoires, des comptes rendus qui sont orientés, enfin, toutes les caractéristiques, toute espèce de labyrinthe qu'on trouve dans les assassinats politiques. Oui, c'est le propre de l'enquête dirigée, en somme. Dirigée, oui, c'est ça. Maintenant que votre film est sorti depuis 3 mois... est-ce qu'il y a certaines scènes, certaines séquences peut-être, et qui vous satisfont moins que d'autres et que vous aimeriez refaire? Non, je crois que c'est trop tôt encore pour parler de ça. Mais vous avez tout de même eu le jugement, non seulement de la critique, mais du public. Oui, quand je vois les films maintenant, je les vois avec le public, et souvent les réactions du public sont assez surprenantes. Il y a des scènes, par exemple, où les publics rient franchement comme si c'était des scènes comiques. Or, on ne les a jamais écrites dans ces sens avec Georges Semproun. Par exemple, à l'inculpation des officiers, tout d'un coup, il y a des éclats de rire dans la salle et des applaudissements. Et là, vous ne l'aviez pas prévu. Absolument pas. Et à quoi l'attribuez-vous alors? Il y a une très très grande tension dans le film. Et au moment où ça se relâche un peu, où les personnages deviennent un peu quotidiens, les gens explosent, enfin les gens se détendent avec des rires. Et puis c'est peut-être aussi la satisfaction de voir quand même le triomphe de la justice. Aussi, oui, pour cette scène particulièrement, mais pour l'autre scène, pour celle de Géré, par exemple, les gens rient. Nous, on ne s'y attendait pas du tout qu'un personnage qui est à l'hôpital fasse rire les gens. J'ai vu des gens assez âgés qui sortaient, je les ai suivis, parler, on se fiche de nous, on nous raconte que c'est des vraies histoires. Ces choses-là ne peuvent pas exister. Et il y a d'autres gens qui sont absolument éberlués de se dire que ces choses-là existent. Disons, les qualités cinématographiques, proprement dites, du film, les qualités ou les non-qualités, passent à côté. C'est surtout le contexte, le contenu, le sujet, lui-même qui est discuté et très très discuté. Même. Ah oui, mais je crois que vous avez donné à ce sujet la forme exacte qui lui convenait. Enfin, je pense que les meetings et les manifestations ont cette espèce de violence et de force qu'il y a dans le film. Quand on parle des manifestations, on parle automatiquement de violence, à mon avis. Et ça, ça a ressorti parce que les gens, en plus, dans le film, pendant qu'on tournait, ils ont vraiment manifesté. Ils sont très très vite vu à la place des manifestants et les autres à la place des policiers. Et il y a eu même des blessés à certains moments. Vous n'avez pas l'intention de vous spécialiser dans le film politique ou enfin dans le film engagé dans un certain sens? Engagé dans un certain sens, non. Engagé, si vous voulez, dans le sens de la justice et de la liberté, oui. Et l'année suivante, ce sera l'aveu. The road is long, with many a winding turn that leads us to who knows where, who knows where. My brother, so on we go, his welfare is my concern, no burden is he to bear, we'll get there. Heavy, navet. It's a long, long road. France Culture, en partenariat avec l'INA, les années 60. Aujourd'hui, 1969, deuxième émission. Le général de Gaulle a perdu le référendum, il a quitté le pouvoir. La campagne présidentielle commence. Au journal télévisé, on suit les candidats. À Lille, Jacques Duclos, candidat du Parti communiste, est en meeting. Je veux m'adresser à vous, jeunes qui m'écoutez et qui êtes venus nombreux ce soir. Au début du siècle, Jean Jaurès, s'adressant à des jeunes étudiants d'Albi, leur disait, leur demandait, « Qu'allez-vous faire de vos 20 ans ?» Et il les engageait à s'orienter dans la voie du socialisme. Aujourd'hui, nous aussi, nous vous disons, « Qu'allez-vous faire, jeunes gens et jeunes filles ? Est-ce que vous pourriez vous rassembler par hasard derrière Pompidou, la haute banque et la grande industrie ? Non, n'est-ce pas ? Parce que ce serait contraire à vos rêves, à vos espérances. Et il en est de même pour ce qui est de Monsieur Poher. À la vérité, ces hommes, qu'ils le veuillent ou non, ne représentent pas l'avenir. Ils représentent un passé qui tente de se survivre, car l'avenir, il est dans le pouvoir aux mains du peuple dans notre pays. Et c'est pourquoi, jeunes gens et jeunes filles, le vieux militant communiste que je suis vous appelle à prendre un chemin qui ne vous amènera pas par la suite des révisions déchirantes. Engagez-vous dans la voie de la défense de la classe ouvrière et du peuple et dites-vous bien que c'est dans ce chemin-là que vous trouverez à la fois des satisfactions intellectuelles les plus nobles, les plus élevées, et que vous irez de l'avant pour préparer votre avenir, car c'est vous, les jeunes, qui êtes la France de demain qu'il faut préparer. Vous voterez pour que vive l'union des forces ouvrières et démocratiques. Vous voterez pour que vive la République à laquelle nous donnerons l'éclat de la jeunesse. Vous voterez pour que vive la France démocratique, pacifique, indépendante et prospère, dont tous ensemble, par nos efforts communs, nous ferons l'exaltante et triomphante réalité de demain. Le score de Jacques Duclos sera de plus de 21% au premier tour. Et chacun sait que Georges Pompidou fut élu au second tour contre Alain Poher. Lors de cette campagne, on avait peu entendu François Mitterrand, qui n'était pas candidat. Quelques jours après l'élection, il réapparaît au cours d'une conférence de presse à laquelle la télévision fait écho. Je ne suis qu'un des millions de Français qui veulent que la gauche socialiste, qui veulent que la gauche de la démocratie socialiste revive, reprenne son rang, redevienne force et puissance, équilibre la société française. Personnellement, à partir de la semaine prochaine, j'irai au cours des mois prochains dans tous les départements de France, jusqu'à ce que le temps me le permettant et mes forces, j'ai été mis en mesure d'entendre et de comprendre ce que désirent ceux dont je parle. Qu'est-ce que je leur dirai, ce que je vous dis là? À la base, dans les villes et dans les villages, dans les entreprises, il faut qu'ils se regroupent. Il faut qu'ils écartent tous ceux qui voudront les enfermer dans un système préétabli. Il faut qu'ils se connaissent. J'essaierai de leur expliquer ce que je pense, sans me poser en leader. Au contraire, en me considérant moi-même, venu de mon village et de ma petite commune, comme un des leurs. Afin d'assurer la soudure et de permettre à la génération suivante d'assumer les responsabilités qui ont été si légèrement remplies par la génération précédente. C'est donc aujourd'hui, après quelques semaines de silence, pour moi l'occasion de vous dire que je reprends le combat, un combat sans relâche, un combat de tous les jours, sans me soucier autrement des permissions à prendre, des visites à faire, des protocoles à établir. Je souhaiterais même qu'il me fût épargné, au cours de ces voyages en province et à Paris, d'avoir à passer par le tamis des états-majors existants. Je n'engage pas contre eux un combat inutile. Je souhaite simplement qu'ils comprennent, à travers le mouvement de la base, que la gauche française existe, qu'elle n'est pas simplement le Parti communiste, et qu'elle devra reprendre, lorsqu'elle aura retrouvé toute sa force, le chemin engagé en 1965, dans un débat loyal, clair, rigoureux s'il le faut, mais toujours constructif, avec l'ensemble des forces de la gauche. 2 ans plus tard, il y aura le congrès d'Épinay, puis en 1972, la signature du programme commun de la gauche. Mais les années 70, c'est pour plus tard. Nous sommes, vous êtes en 1969, la preuve. Give me an F! Give me a U! No! Give me a C! A! Give me a K! A! What's that spell? A! What's that spell? A! What's that spell? A! What's that spell? A! What's that spell? A! Well, come on, all of you big strong men. Uncle Sam needs your help again. Got himself in a terrible jam, way down yonder in Vietnam. Put down your books and pick up a gun. We're gonna have a whole lot of fun. And it's 1, 2, 3. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. The next stop is Vietnam. And it's 5, 6, 7. Open up the pearly gates. Well, there ain't no time to wonder why we're all gonna die. Now come on, Wall Street, don't be slow. Why, man, this is war, a go-go. There's plenty good money to be made, supplying the army with the tools of the trade. Just hope and pray that if they drop the bomb, they drop it on a Viet Cong. And it's 1, 2, 3. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. The next stop is Vietnam. And it's 5, 6, 7. Open up the pearly gates. Well, ain't no time to wonder why we're all gonna die. Now come on, generals, let's move fast. Your big chance. Ah, Woodstock. Woodstock, c'était au mois d'août. Avant, il y avait eu juillet et la lune. L'été 1969, c'est la lune et Woodstock. Un été très américain. Oui, ils vont marcher sur la lune. Oui, ils ont marché sur la lune. Bientôt, la Terre va entendre ces mots. Ici, la base de la tranquillité, l'aigle s'est posé. Tranquillité compris, ici on a retenu son souffle. On a été bleu de peur. Maintenant ça va mieux, on peut à nouveau respirer. Merci beaucoup. Merci à vous, ça a l'air parfait maintenant. L'alunissage en douceur a parfaitement réussi. La première chose que les premiers voyageurs de la Terre font, c'est de regarder par le hublot de leur véhicule et de raconter ce qu'ils voient sur la Lune. Ça ressemble à peu près à tout ce qu'on peut imaginer, comme forme, angle. Les couleurs varient beaucoup. Ça dépend de la façon dont on les regarde. Ils ne se dégagent pas, semble-t-il, de couleurs uniformes. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de rochers dans cette zone et qu'ils présentent des couleurs intéressantes, du moins pour certains d'entre eux. Quelques heures après que l'Aigle se soit posé sur la Lune, ces deux passagers sont prêts à accomplir le pas le plus important que l'homme ait jamais fait. D'abord Neil Armstrong, puis son compagnon Buzz Aldrin. Sur Terre, des millions de téléspectateurs sont les témoins de cet événement. Puis ce sont les premiers mots de Neil Armstrong depuis la Lune. It's one small step for man, one giant leap for mankind. C'est un petit pas pour un homme et un bond de géant pour l'humanité. Un petit pas pour un homme, un bond de géant pour l'humanité. Nous sommes le 21 juillet 1969, il est 2h56 GMT. It's quite dark here in the shadow, a little hard for me to see, but I have good footing. I'll work my way over. Je suis dans l'ombre. Il fait tout à fait sombre ici. Mais ça va, je tiens debout. Je vais me déplacer vers la lumière sans regarder directement le soleil. 20 minutes après Neil Armstrong, c'est Aldrin qui sort à son tour. Et pendant 2 heures, comme deux gosses curieux dans une mare à grenouilles, ils vont bondir, sauter sur la surface de la Lune, enfoncer leurs pieds dans le sol granuleux, et tels les touristes à travers le monde se photographier l'un l'autre. Devant des millions de téléspectateurs hypnotisés, ils vont exécuter un ballet fantastique avec des mouvements dignes des films de science-fiction des dernières années, expliquant aux terriens qui les regardent ce qu'ils font. So-called kangaroo hop does work, but it seems your forward stability is not quite as good. C'est ce qu'on appelle un saut de kangourou. Vous voyez, ça marche. Mais c'est pas aussi facile que la marche normale. Il commence ensuite à recueillir des échantillons de roches lunaires, à déployer les instruments scientifiques qu'ils laisseront derrière eux et à remplir les tâches qui leur ont été assignées sur la Lune. Enfin, c'est l'appel téléphonique du président des États-Unis. Hello Neil and Buzz. I'm talking to you from the Oval Room at the White House. And this certainly has to be the most historic telephone call ever made. Allô Neil, allô Buzz, je vous parle depuis la salle ovale de la Maison Blanche et c'est sans aucun doute le coup de téléphone le plus historique qui ait jamais été donné. Pour chaque Américain, comme pour tous les habitants du monde, c'est la journée où ils ont ressenti le plus de fierté de toute leur vie. Et c'est un moment sans prix dans l'histoire de l'homme. Et les peuples de toute la Terre sont vraiment unis à cet instant, unis dans la fierté à cause de ce que vous avez réalisé, unis dans la prière afin que vous reveniez sains et saufs sur la Terre. Thank you, Mr. President. It's a great honor and privilege for us to be here representing. Et Armstrong répond depuis la Lune. Merci, Monsieur le Président. C'est un grand honneur et un privilège pour nous d'être ici, de représenter non seulement le peuple américain, mais les hommes pacifiques de toutes les nations. Et encore Woodstock. Pas plus que sur la Lune, vous n'étiez sans doute à Woodstock cet été 1969. Et pourtant, c'est tout comme. Après Woodstock, en fait surtout après la sortie du film, fleurirent dans le monde entier des petits Woodstock. Un pré prêté par un cultivateur, 3 guitares rencontrant une batterie et un chanteur inspiré, 50aine de spectateurs joyeux s'embrassant plus ou moins tous les uns les autres, et c'était Woodstock. Il y eut aussi des festivals pour de vrai. À l'île de Wight, par exemple, Françoise Hardy s'y trouvait, Yves Mourouzi, non, mais en bon journaliste, il voulait en savoir plus. Françoise Hardy était, à la fin de la semaine dernière et au tout début de cette semaine, en Angleterre, à l'île de Wight, exactement, pour assister, Françoise Hardy, à un rassemblement, un véritable rassemblement hippie qui a permis à 200 000 jeunes de tous les pays de venir entendre Bob Dylan. C'est bien cela ? C'est cela, oui. C'est la première fois, Françoise Hardy, que vous participez à un tel rassemblement, que vous assistez à un tel rassemblement ? C'est la première fois que j'assiste à un rassemblement aussi important, oui. Quelles ont été vos impressions devant cette masse de jeunes qui étaient rassemblés à l'île de Wight ? Eh bien, vous savez, généralement, quand il y a beaucoup de monde comme ça, on a toujours un petit peu peur parce qu'il suffit d'un rien pour que ça tourne mal, enfin, qu'il y ait des bagarres, des choses comme ça. Et je crois que la première chose qui frappait dans ce rassemblement, c'était le côté paisible de tous les gens qui étaient là, qui n'étaient, il faut bien le dire, que des jeunes gens. Vous aviez fait le déplacement spécialement pour ce rassemblement ? Enfin, moi, j'ai fait le déplacement, comme la plupart des gens qui étaient là, pour voir Bob Dylan, pas du tout pour assister à un rassemblement de 200 000 personnes. Comment expliquez-vous le phénomène Bob Dylan auprès des jeunes de 1969 et même ceux des années précédentes, du reste ? Cet engouement pour Bob Dylan ? Eh bien, je crois que Bob Dylan est le meilleur auteur-compositeur de chansons actuelles, enfin depuis pas mal de temps. C'est lui qui a influencé une grande partie de la pop music et de la folk music actuelle, et qu'il a une personnalité telle que, je sais pas, tout le monde aimerait. Il y a un engouement général, tout le monde aimerait plus ou moins lui ressembler, enfin. Françoise Hardy, comment réagissez-vous lorsque cette masse de 200 000 personnes vous entoure ? Réagissez-vous comme quelqu'un qui vient là en tant que personne, Françoise Hardy, jeune fille, ou bien en tant que Françoise Hardy, vedette ? Non, est-ce que l'on vous fait remarque ? Est-ce que vous êtes noyé dans la masse ? Oui, on est vraiment noyé dans la masse. Évidemment, il y a toujours des photographes qui sont là, et puis évidemment, on est mieux placé que les autres, mais vraiment, on est tous dans le même bain. On vient là pour écouter de la musique et parce qu'on aime ça. De tels rassemblements humains ne vous font pas peur, Françoise Hardy ? Non, mais c'est ce que je disais. Généralement, de tels rassemblements humains sont assez paniquants. Mais en Angleterre, et j'ai l'impression aux États-Unis aussi, il y a une espèce de bonne éducation et de... Y avait-il beaucoup de Français là-bas ? J'ai pas eu l'impression qu'il y avait énormément de Français, non. En France, on adapte une comédie musicale américaine. On choisit comme jeune premier un chanteur qui a sorti l'année précédente à 45 tours. Et la troupe se lance, tout en cheveux et poils, dans les répétitions. On envoie la télévision couvrir pudiquement l'événement et l'on interviewe les jeunes chanteurs pour l'émission avant-première. Manchester, England, England, au bout de l'Atlantique, je suis un génie. Et je crois en Dieu, et je crois en Dieu, et je crois que Dieu envoie la voix. Ah, c'est un moment. Je crois en Dieu. Et je crois en Dieu, je crois en Dieu, et je crois que Dieu envoie la voix. Et Claude, c'est moi. Un, deux, trois. Maintenant que je suis parti, c'est fini ni la vie. Parler de quoi ou de qui, ça va vraiment de mal en pire. Manchester, England, England, au bout de l'Atlantique, je suis un génie. Et je crois en Dieu, je crois en Dieu, et je crois que Dieu envoie la voix. Et Claude, c'est moi. On est embarqué sur le camion de l'orchestre de R, là, avec presque toute la compagnie. Je voudrais bien demander, à Hervé Vatine, par exemple, de nous parler un peu de son acolyte, là. Qui est-ce qui est à votre droite, Hervé ? Julien Clerc. Julien Clerc, qui joue quel rôle ? Qui fait le rôle de Claude. De Claude. Et Julien, quel rôle fait Hervé ? Burger. Mais alors, quelles sont les relations entre les deux ? Ce sont les deux meilleurs amis de toute cette compagnie. Un peu les leaders. Burger est un chef indien, si oui. Vous voulez. et il a une énorme admiration, disons, pour Claude, qui est un peu son idéal spirituel. Ce que je voudrais savoir, c'est pour chacun de vous, et puis je pense que c'est évidemment pareil pour tous les gens de la compagnie, dans quelle mesure R, c'est un nouveau tremplin pour une vie artistique, parce que, par exemple, vous, Hervé, moi, je vous avoue, humblement, je ne vous ai jamais vu nulle part. Non, mais il y a très peu de gens qui m'ont vu. Enfin, j'ai fait un peu de cabaret sur la rive gauche, oui. Un peu de télé, un peu de disque, mais enfin, personne ne me connaît. Alors, c'est quelque chose de... Alors, c'est fantastique, quoi. J'avais vu R à Londres. Oui. Et puis, j'en avais marre de Paris, j'avais décidé de partir à Londres. Trois jours avant de partir, j'ai vu l'annonce des auditions, je suis venu, puis... Et je reste à Paris. Et Julien, pour vous, est-ce que vous pensez aussi que c'est moi, je pense quelque que chose c'est, d'important? C'est très important, moi, non seulement pour moi, inutile de dire, comme c'est important parce que ça représente une expérience nouvelle d'abord de comédien que je n'avais jamais eue. Oui. Et puis c'est autre chose, ça m'ouvre l'esprit sur quelque chose de différent et du point de vue musical et même du point de vue humain, je veux dire, parce que c'est une expérience humaine aussi, autant que professionnelle. Mais en plus, je pense que ça peut montrer un peu le chemin en France vers une forme nouvelle de spectacle, ce dont on a bien besoin. Parce que, disons que je crois qu'il est du devoir des gens de notre génération à nous de trouver quelque chose de différent du tour de chant de 12 ou 15 chansons que des aînés ont fait. Bon, on sait comment et très bien. Je crois qu'il est de notre devoir à nous de trouver autre chose. Je crois qu'R peut montrer et aux gens de ce métier et au public, bien sûr, peut-être ouvrir le chemin vers quelque chose de nouveau dans le spectacle. Elle me demande pourquoi je suis comme ça, poilu et chevelu, poilu en bas et chevelu en haut. Ma réponse, la voilà. Les années 60, aujourd'hui 1969, deuxième émission. Donc, les jeunes ont des cheveux longs. Donc, ils se droguent ou se sont drogués. Pourquoi l'ont-ils fait? Par curiosité, la faute au festival de l'île de Wight, métaphore routière et grammairienne, nous sommes sur France Culture dans l'émission Perspective. Il y a aussi un phénomène qui vient des États-Unis auquel Anita a fait allusion, c'est quand même le phénomène hippie. Il faut bien voir que les hippies ont quand même mis à la mode la drogue et l'histoire de l'île de Wight a quand même procuré en Europe à beaucoup de jeunes une idée de la drogue. Justement, je voulais donner un exemple précis qui s'est récemment passé à propos d'un crime à Los Angeles. Et ce crime a été effectué par des personnes qui étaient justement sous l'empire de la drogue et du LSD plus particulièrement. À propos des hippies, quelque chose de très curieux, c'est qu'il y a une dizaine d'années, on parlait beaucoup de la fureur de vivre. Les idoles, c'était James Dean. Ce qu'on aimait, c'était la vitesse. Maintenant, on a plutôt tendance à avoir remplacé la notion de fureur de vivre par mal de vivre. Et les idoles sont plutôt des jeunes qui sont couchés par terre et qui c'est quelque chose de très différent avec cette griserie de la vitesse qui existait il y a plusieurs années. Oui, mais enfin, je pense que la violence, quand même, vous pouvez la voir dans tous les journaux, dans tous les pays du monde, elle n'a pas été remplacée par Je n'ai pas parlé de la violence, j'ai parlé de la fureur de vivre. C'est quelque chose de très différent, qui a été aussi amené par la civilisation moderne, les automobiles en particulier. On peut faire la différence entre deux verbes, le verbe savoir et le verbe connaître. On dit généralement qu'il est bon de tout savoir quand on arrive à un certain âge. Mais est-ce qu'il est bon de tout connaître? Les étudiants actuellement se droguent parce qu'il faut avoir fait cette expérience, comme on fait d'autres expériences. Je crois que quand on commence à absorber de la drogue, je crois qu'on veut toujours plus d'effets, plus de choses. Alors évidemment, quand on commence avec de la marijuana, on continue avec de l'héroïne, à mon avis. Oui, il y a un jour, c'est comme au volant, il y a des jours où on est en forme, on peut éviter l'accident, jusqu'au jour où on n'a pas les mêmes réflexes, on est fatigué et on réagit mal. Pour la drogue, c'est pareil. Il y a des jours où on est dans un état qui amène de très mauvaises réactions. On a vu des cas dans les journaux où les réactions étaient définitives. Écoutez, moi j'ai commencé par la marijuana et en effet j'ai voulu essayer quelque chose de plus fort. J'ai essayé pas mal de choses, notamment du LSD, j'ai pris du LSD, j'ai pris aussi d'autres choses et je me suis arrêté très vite et je n'ai plus retouché au LSD ni à rien d'autre. Parce que cela vous faisait peur? Parce que c'était très bien, mais ça me faisait peur et je peux parler aussi des pays marocains, des pays des pays arabes, on ne verra jamais un arabe, enfin je ne sais pas au Népal, mais enfin je parle du Maroc et du Pakistan, dans ces pays-là où beaucoup de mes amis sont allés, on ne verra jamais un arabe prendre de l'héroïne ou de la cocaïne. Il prendra toujours de la marijuana. Il y a des gens qui aiment le sport, on peut très bien aimer le sport et aimer la marijuana. Non, voilà, il ne faut pas dire ma vie c'est la marijuana. Ah, mais c'est pas ce que vous avez dit. Tu as dit on peut aimer à la fois le sport et la marijuana. Bien sûr. Je ne crois absolument pas. Ah, car la marijuana est une façon de te dépasser. Mais le sport aussi, et c'est moi souvent mise en vedette malheureusement par les journaux. Mais on peut se dépasser de plusieurs façons. Ne serait-ce que grammaticalement, je ne suis pas d'accord, parce que se dépasser, c'est une forme active, et je pense que la marijuana, ça donne une excitation qui ne fait absolument appel ni à la volonté, ni à l'effort, et alors que la volonté et l'effort sont des exigences essentielles au dépassement. C'est-à-dire, j'ai le goût de l'effort, mais je le prends plus aisément avec de la marijuana. Eh bien justement, là, ça prouve donc une certaine passivité. Alain pose peut-être le problème de fond, en fait. Pourquoi on prend de la drogue? Quelles sont les causes? Si justement il prend de la marijuana pour atteindre un certain niveau, c'est parce qu'on n'a peut-être pas su lui donner autrement la possibilité d'atteindre ce niveau. Et là, je pense que la société a quand même... Là, de certaine manière, les drogués accusent la société de savoir pourquoi, en fait, la drogue a été une emprise sur la société actuelle. C'est peut-être parce qu'on n'a pas su autrement apporter aux jeunes ce qu'ils avaient besoin. Je crois qu'il ne faut pas négliger l'influence des voyages actuellement. En effet... Pas négliger pourquoi pour comme cause comme cause de l'introduction de la drogue notamment en France. Il est assez à la mode actuellement pour les jeunes Français de se rendre en Suède. Alors chacun sait que la Suède a été un des premiers pays européens atteints par la drogue. L'Angleterre aussi, mais un peu plus tardivement. Mais vous avez une expérience personnelle? Personnellement, j'ai eu l'occasion d'aller en Suède et d'y vivre pendant 2 mois et demi. Pendant ces 2 mois et demi, j'ai vu des jeunes Français, un jeune Français plus exactement, et un Anglais, vendre de la drogue sur le port de Jönköping à des fillettes de 15 ans. Alors ces jeunes Français étaient là, parce qu'en Suède, il était plus facile, bien entendu, à cette époque-là, de se procurer de la drogue, de la vendre et d'en absorber. Quand ils reviennent en France, généralement, il y a deux réactions, ou la réaction... Celui qui a vécu longtemps en Suède ou en Angleterre, pour mon cas c'est la Suède, on réagit d'une façon négative, en ce sens que on revient avec l'idée vraiment que ça ne réussit à personne la drogue. Quand on a vu les jeunes Suédois se traîner dans la rue ou dans une boîte de nuit, je crois que les images que j'ai pu voir ne sont vraiment pas, en faveur de la drogue. Je crois que c'est des images de déchaînement, de défoulement, mais d'un défoulement vraiment animal et purement animal. Alors il y a la réaction aussi des jeunes qui sont restés 15 jours là-bas et qui ont vraiment été enflammés par tout ça, par cette civilisation, disons, des loisirs, cette civilisation de l'épanouissement complet. Et ils reviennent avec cette idée que seule la drogue, maintenant, est un moyen moderne, disons, de s'évader, parce que la Suède est un pays moderne. Alors on prend l'exemple sur un pays moderne qui emploie, soi-disant, des moyens modernes pour s'évader, pour prendre des loisirs. Peace and love, pas si simple. Les faits divers sont là, parfois tragiques, pour rappeler la réalité. Georges Pompidou, président de la République, est interrogé lors de sa première conférence de presse par Jean-Michel Royer. Monsieur Royer, dernière question, je m'en... Jean-Michel Royer, Radio Monte-Carlo et l'actualité. Monsieur le Président, puisque vous avez permis qu'en fin de parcours, nous débordions un peu des questions fixées à l'origine, je voudrais vous faire sortir carrément de l'épure et vous interroger sur un fait divers. À Marseille, une femme, un professeur, 32 ans, est condamnée pour détournement de mineurs. Elle se suicide. Vous-même, qu'avez-vous pensé de ce fait divers qui pose, je crois, des problèmes de fond? Je ne vous dirai pas tout ce que j'ai pensé, d'ailleurs, sur cette affaire. Ni même ce que j'ai fait. Quant à ce que j'ai ressenti, comme beaucoup, eh bien... Comprenne qui voudra, Moi, mon remords, ce fut la victime raisonnable au regard d'enfants perdus. Celle qui ressemble aux morts, qui sont morts pour être aimés. C'est de l'Éluard. Merci, mesdames et messieurs. Look what they done to my son, Ma. Look what they done to my son. Well, it's the only thing that I could do half right, and it's turning out all wrong, Ma. Look what they done to my son. Look what they done to my brain, Ma. Look what they done to my brain. Well, they picked it like a chicken bone, and I think I'm half insane, Ma. Look what they done to my soul. I wish I could find a good book to live in. Wish I could find a good book. Well, if I could find a real good book, I'd never have to come out and look at what they've done to my soul. La la la la. It'll all be all right, Ma. Maybe it'll all be okay. Well, if the people are buying tears, I'll be rich someday, Ma. Look what they done to my son. Ils ont changé ma chanson, Ma. Ce n'est pas bon, Ma. Ils ont changé ma chanson. Look what they done to my son, Ma. Look what they done to my son, Ma. Well, they tied it up in a plastic bag, turned it upside down, Ma. Look what they done to my son. Ils ont changé ma chanson, Ma. Ils ont changé ma chanson. C'est la seule chose que je peux faire et ce n'est pas bon. C'était les années 60, aujourd'hui 1969, deuxième émission. Document INA, Véronique Jolivet, Amélie Briand-Lejeune, Hervé Evano. Mixage, Olivier Dupré. Réalisation, Annie Douel. Une émission de Philippe Garbi. À suivre, et d'ici là, à télécharger ainsi que les précédents rendez-vous de la série sur le site franceculture.fr à la rubrique de l'émission.